Tchoumbe. Boué. Boué. Abouda, yeah, yeah, yeah, yeah. Tchoumbe. Aïe. Tchoumbe. Bon, nous prenons un petit bas avec moi. Nous prenons laisser qu'on a kembe. Et puis, bon, si c'est pas pour ces mesdames devant Diaz, mesdames, c'est pour nous, on vini. Suspendez que mesdames, parce que si nous m'appelons en moué. Déposez, déposez, déposez. N'a pas laissé à la douce les douce, à la bonne libo, à la bonne libo, à la douce les douce, ça c'est sirop miel, à la bonne libo, son sirop d'orgeat, à la douce les douce. Nous pas de soirée, les barrés, les barrés, nous allons nous fatiguer. Bon, mais eh bien, bon, n'a pas un petit bail pour nous, n'a pas un soca. Tchoumé, tchoumé.